Quand je fais des trois, je vais faire pour un garçon. Pour nous, c'est l'ancien temps. Selon la colonisation vers la République. Parce que vert, c'est la nature. Et blanc, le français, il est un truc à nous. Dans la ville de Tananarive, et le malgache montait le drapeau au blanc. Et le rouge, c'est le fleur royal. Le rouge, c'est le fleur royal.